Belle la gagne, belle la dépense. Dans une petite ville au bord de l'Oka, fleuve, vivait un pauvre passeur nommé Timofeïtch, qui, depuis une dizaine d'années déjà, exerçait son métier si peu lucratif. Le bac avait changé plusieurs fois de propriétaire, mais Timofeïtch était resté passeur. Il était habitué à ce travail qui assurait sa vie. D'ailleurs, comme il était honnête, et qu'il ne trompait jamais son patron sur la recette journalière, il possédait toute la confiance de ce dernier. Tout le monde connaissait l'oncle Timofeïtch et souvent on le recherchait comme parrain. Il n'avait pas amassé beaucoup de biens. En 10 ans, il n'avait pu s'acheter qu'un caftan pour les jours de fête et une pelisse en peau de mouton. Quant au bonnet de peluche, il en désirait un depuis 2 ans, et chaque fois qu'il allait au marché chercher du pain et des provisions pour 3 ou 4 jours, il ne manquait jamais de s'arrêter devant les magasins. Il contemplait les bonnets, choisissait le meilleur, en discutait le prix, et laissait croire au marchand qu'il viendrait en faire l'emplette aussitôt qu'il aurait réuni la somme nécessaire. En attendant, il portait de vieux habits. Bien que Timofeïtch fût habitué à son genre de vie, de temps à autre, il enviait ceux qui vivaient mieux que lui. Voilà, pensait-il, pourquoi Dieu a-t-il donné de la fortune à tel ou tel et rien à moi? Quel triste sort est le mien! Et il commençait à se plaindre plus amèrement de sa pauvreté et priait Dieu de lui accorder la fortune. C'est alors que je vivrai bien, se disait-il. Je n'oublierai pas les pauvres gens. Enfin, je saurai m'y prendre pour vivre comme il faut. Un jour, Timofeïtch se tenait près de la cabane lorsqu'il aperçut sur l'autre rive un gendarme qui s'approchait du ponton. Quand cet homme fut sur le bord, il appela Timofeïtch, lui faisant signe d'avancer. « Que me veut-il ? » se demanda le passeur, et se rendit auprès du gendarme. Avant même qu'il fût auprès de lui, le gendarme ôta son bonnet, le salua, le félicita et lui présenta ses souhaits de santé et de bonheur. En un mot, il lui débita tant de balivernes que le passeur supposa que le gendarme revenait de quelque joyeuse fête. Et Timofeïtch le regarda sans comprendre. « Nous avons appris, dit le gendarme, que tu es devenu riche. C'est ton oncle, je crois, qui est mort à Rostov, où il a gagné beaucoup d'argent dans le commerce, et comme il n'avait pas d'enfant, tu hérites de tous ses biens. Voilà pourquoi le maire m'a chargé de te féliciter et de te prier d'aller le voir. » Timofeïtch, ébahi, se gratta la nuque, regarda le gendarme qui restait tête nue devant lui, le saluant et lui souriant. « Il y a quelque chose là-dessous, » se dit le passeur, « car ces gens-là ne se dérangent pas pour rien. » « Mais qu'y a-t-il donc, Miron ? Tu as sans doute fêté l'anniversaire d'un ami ?» lui demanda Timofeïtch. Le garde jura sur tous les saints qu'il était réellement envoyé par le maire. « Viens, » ajouta-t-il, « il t'apprendra tout. » Timofeïtch se décida à le suivre. Chemin faisant, il cherchait quel pouvait être ce parent de Rostov. Alors, il se souvint d'un oncle qui y vivait depuis longtemps et dont il n'avait plus entendu parler. Lorsque Timofeïtch arriva chez le maire, celui-ci lui dit « Ton oncle vient de mourir à Rostov. Il te laisse 2 de ses magasins et de plus 100 000 roubles. » Sans plus attendre, Timofeïtch fit ses préparatifs de voyage, mais malgré toute l'assurance du garde, personne ne voulait croire à la fortune inespérée du passeur ni lui avancer la somme nécessaire pour le voyage. Quant à lui, il ne possédait pas même 5 roubles. Tant bien que mal, Timofeïtch put cependant se rendre à Rostov. Quand le passeur vit toutes les richesses qu'il allait posséder, il ne put d'abord en croire ses yeux. Jamais dans ses rêves, il n'avait osé espérer autant. Mais comment gérer cette grande fortune? C'était pour lui une question bien embarrassante. Il possède tant de traites sur tel marchand, tant sur un autre. Ici, il faut poursuivre. Là, plaider, etc., etc. Ne pas oublier les échéances. Telle marchandise est envoyée avec un commis à Moscou, une autre à la frontière de Kirghiz. Les commis écrivent qu'ils attendent des ordres. Timofeïtch est ignorant. Il n'a jamais tenu aucune comptabilité et maintenant il lui faudrait 10 comptables pour s'acquitter de la besogne. Il perd la tête, ne sait plus que faire. Il n'a personne dans cette ville inconnue pour le conseiller. Il est vrai qu'il y a trouvé beaucoup d'amis, mais pour le tromper et le voler. L'un l'invite chez lui, le choix, le fait, l'autre se fait inviter pour la crémaillère, celui-ci le pousse dans la nouvelle entreprise en lui faisant entrevoir de grands bénéfices à réaliser. Celui-là lui présente des anciens comptes de son oncle auxquels Timofeïtch ne comprend goutte. En un mot, le pauvre passeur ne sait plus s'il a ou non sa tête sur ses épaules. Il est malheureux, soucieux comme il ne l'a jamais été. Il perd l'appétit, le sommeil, c'est à se donner la mort. Timofeïtch se mit alors à boire afin de s'étourdir. Le nombre de ceux qui l'aidaient à dissiper son argent était incalculable, car on mangeait, on buvait, on faisait bonbons toujours à ses frais. Un jour, il rentra ivre chez lui, prit une lampe qu'il porta dans sa chambre à coucher, il trébucha et laissa tomber la lampe, qui se cassa. Aussitôt le pétrole s'enflamma. Timofeïtch sortit pour appeler du secours, mais il traversa deux chambres, puis tomba et s'endormit. La maison brûla tout entière, et si on ne l'eût retiré, le passeur eût péri dans l'incendie. Triste fut le réveil du pauvre Timofeïtch. Cependant, il respira librement, se sentant le cœur plus léger qu'auparavant. « Plus de tiraillements maintenant, » pensa-t-il. « On ne viendra plus m'obséder par de vaines flatteries, me voler, ouvertement ou non. Je n'aurai plus à courir les tribunaux pour me faire payer ou payer moi-même des traites. Je ne vivrai plus comme un barine, mais enfin je ne boirai plus. Tout est fini, tout a passé comme un rêve pénible. Cette folle richesse, qui m'est venue sans effort, si je ne l'ai pas gagnée, du moins je l'ai dépensée. » Il cracha et quitta Rostov. Il revint dans son pays en Laptie, à pied, sans sac de voyage, n'ayant rien à y mettre, se nourrissant en route de ce qu'on lui donnait. Il reprit son emploi et redevint passeur. Depuis cette époque, il vit comme auparavant. Il est déjà vieux. Tout le monde le connaît, l'aime, et lui, content de son sort, tire la corde du bac et ne demande plus de richesse à Dieu.